Chapitre 186. Le mérite de l'appel à la prière. 1033. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: si les gens connaissaient le mérite de faire l'appel à la prière et de se tenir au premier rang pour la salat, et qu'ils ne trouvaient d'autre moyen pour y parvenir que d'en venir au tirage au sort, alors ils le feraient certainement. Et s'ils connaissaient le mérite d'aller tôt à la mosquée, ils se battraient pour y arriver les premiers. Par ailleurs, s'ils connaissaient le mérite de la prière de la nuit, Isha, et celle de l'aube, Subh, ils y viendraient, même à quatre pattes. Al-Bukhari et Muslim. 1034. Muawiyah, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: les muezzins auront les coups les plus longs le jour de la résurrection. Muslim. 1035. Selon Abdullah ibn Abdirrahman ibn Abu Sa'sa'a, Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, lui a dit: je vois que tu aimes vivre parmi tes moutons dans la nature. Lorsque tu te trouves au milieu de tes moutons ou dans la nature, et que tu dois faire l'appel à la prière, l'adhan, alors élève la voix, car il n'est pas un djinn, un être humain ou quoi que ce soit d'autre qui n'entende la voix du muezzin sans qu'il ne témoigne pour lui le jour de la résurrection. Abu Sa'id ajouta: j'ai entendu cela de la bouche du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Al-Bukhari. 1036. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: au moment du premier appel à la prière, adhan, Satan tourne le dos en lâchant un paix afin de ne pas l'entendre. Lorsque l'adhan est terminé, il revient jusqu'à ce que soit lancé le deuxième appel à la prière, l'iqama, alors il s'enfuit à nouveau. À la fin de ce dernier, au début de la salat, il est de retour pour déconcentrer le fidèle en prière auquel il suggère: souviens-toi de ceci, souviens-toi de cela, à tel point qu'il ne sait plus où il en est dans sa salat. Al-Bukhari et Muslim. 1037. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: lorsque vous entendez le muezzin faire l'adhan, répétez ces paroles. Priez ensuite sur moi, car quiconque prie sur moi une seule fois, Allah prie sur lui 10 fois. Puis implorez Allah de m'accorder al-wasila, qui est un rang qui ne sera atteint au paradis que par un seul serviteur d'Allah, et j'espère être celui-là. Celui donc qui implore Allah de m'attribuer al-wasila bénéficiera de mon intercession. Muslim. 1038. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque vous entendez l'appel à la prière, répétez ce que dit le muezzin. Al-Bukhari et Muslim. 1039. Selon Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui dit, après avoir entendu l'appel à la prière, ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de cette prière à accomplir, accorde à Muhammad l'intercession et le haut rang, et ressuscite-le à la place d'honneur que tu lui as promise. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Celui qui dit cela jouira de mon intercession le jour de la résurrection. Al-Bukhari. 1040. Selon Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui dit, après avoir entendu le muezzin faire l'adhan, je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah seul, sans associé, et que Muhammad est son serviteur et messager. J'agrée Allah comme Seigneur, Muhammad comme messager, et l'islam comme religion. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. Celui qui dit cela verra ses péchés effacés. Muslim. 1041. Selon Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: les invocations ne sont jamais rejetées entre le premier appel à la prière, l'adhan, et le deuxième, l'iqama. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan.